Les doubles, témoignages de guerre, 1914-1918, mémoire de l'attaque de l'Aisne, 16 avril 1917, vécu et écrit par Charles Dejean. Chapitre 1er, la veillée des armes. Nuit du 15 au 16 avril 1917. Au flanc de la montagne s'ouvrent de larges plaies béantes qui la pénètrent, la creusent profondément comme des fistules géantes. La main de l'homme, cherchant de la pierre à bâtir, a sans doute favorisé la tendance de ce sol à s'éroder, à se miner par l'intérieur. Dans le pays, on appelle ces excavations des creutes. Plusieurs sont vastes et peuvent contenir un régiment. Leur voûte est d'ailleurs étayée par d'énormes piliers naturels. Leur atmosphère est humide et la lumière n'y pénètre point. Mais l'installation de l'éclairage électrique en a fait récemment de féeriques palais au lieu de dangereux dédales. En ce moment, nos troupes y trouvent un abri sûr contre les intempéries et contre les obus ennemis. 4000 tirailleurs sénégalais attendent là le signal du départ. Il arrive enfin à 18 heures. Par petits groupes de 100 hommes, on suit les sentiers puis les boyaux qui cheminent sur la pente orientale. Il ne faut pas que l'ennemi se doute de notre mouvement et n'écrase pas la nuit prochaine nos lignes sous une avalanche d'obus. Il fait nuit noire quand nous arrivons aux tranchées. Le bataillon stationne à 19 heures devant la tranche des creutes, la dernière du système que nous venons d'occuper. Elle est large et propre. Des caillebotis tout neufs lui font un plancher confortable et les murs de terre sont consolidés par des sacs, des planches dressées et du treillis en fil de fer. Sur les parois de ce couloir s'ouvrent de petites cavernes qui plongent dans le sol. C'est là que sont cachées nos munitions, les grenades à main, les grenades pour fusil, les crapouillots, les bombes incendiaires, les bombes à gaz suffocants, les fusées éclairantes, les engins signaleurs, les ports Ruggieri, les torpilles aériennes, les bandes pour mitrailleuses, les obus et les balles, tous les engins de mort que l'art de la guerre moderne invente pour détruire les hommes et l'œuvre humaine. Chaque soldat défile devant ses casemates pour y recevoir sa provision de machines à tuer. Il continue ensuite la route vers l'avant et va prendre la place qui lui est dévolue pour l'attaque de demain. Je reste en arrière avec le capitaine Lefranc commandant par intérim le bataillon, jusqu'à ce que tous les hommes aient passé sous nos yeux. Déjà, les obus allemands éclatent autour de nous avec un grand bruit qui se prolonge au loin dans la vallée de Jumigny jusqu'à la rivière de l'Aisne. Mais aussitôt, le joyeux concert de nos canons prend le dessus. Ils parlent tous ensemble avec un bruit très plein et très sec. Leur voix est impérieuse et leurs paroles si fréquentes comparées aux répliques assez rares de l'adversaire que nous croyons tous l'artillerie allemande jugulée, sinon anéantie. 22 heures. Nous cheminons par un horrible boyau à direction nord-sud qui doit nous conduire à notre poste aux premières lignes. Il porte le nom de boyau de Montauban. Il est tortueux, étroit, défoncé par les obus et surtout obstrué par la boue. Une pluie fine qui vient tomber augmente peu à peu la bouillie jaunâtre qui l'encombre. On y plante les pieds qui s'enlèvent ensuite avec peine, comme si ce sol ingrat voulait nous retenir là. À chaque pas, l'on glisse et l'on plonge une jambe dans un trou plein d'eau. Des traces d'un caillebotis 1000 fois brisé et submergé augmentent encore la fréquence de nos chutes. Les vieux guerriers, plus avisés, ont pris un bâton pour aider leur marche. Les autres se retiennent avec leurs mains contre les murs du boyau et la terre humide leur fait d'énormes gants imitant grossièrement ceux qui servent à la boxe. On se touche pour ne point se perdre, car on ne voit rien. Quand par hasard une fusée vient éclairer notre morne défilé, nous baissons un peu la tête pour ne pas être vus. L'on rencontre parfois des groupes d'indigènes errant à la recherche de leur bataillon. Nous leur donnons quelques indications utiles, mais nous nous égarons nous-mêmes plusieurs fois. À minuit, nous tombons subitement devant une sape qui barre complètement notre passage. C'est un poste de secours enterré à 8 mètres sous le sol. Nous obtenons de rester quelques instants au repos dans l'espèce de vestibule à l'entrée. Il présente l'avantage d'avoir un sol à sec et de nous préserver des éclats d'obus qui deviennent de plus en plus fréquents. On essaye en vain de dormir. La fatigue, l'énervement, le bruit de la canonnade, la vue des premiers blessés qui viennent se faire panser à ce poste, tout cela nous tient en haleine. À 1 heure, on reprend la marche. À 4 heures, nous nous trouvons loin de nos hommes, dans une tranchée inconnue, devant des passages barrés de fils de fer barbelés, à travers un terrain profondément boueux, nivelé par les obus qui pleuvent de tous côtés. Et nous allons toujours comme des loques, sans voir personne, tantôt retournant sur nos pas, tantôt prenant une direction perpendiculaire à la ligne suivie jusqu'alors. Le boyau de Montauban, qui devait nous guider, n'existe plus en maint endroit. Tantôt rempli d'une boue qui le rend impraticable, tantôt bouleversé par les obus ou écrasé sous une montagne de terre. Mais le capitaine marche à l'avant, essayant de retrouver le chemin perdu à l'aide d'un agent cycliste, d'une carte et d'une petite lampe électrique. Je tiens ma boussole en main et lui fais remarquer que nous allons sans cesse vers le nord. Nous arrivons en effet en avant de nos premières tranchées tout près des Allemands. À ce moment, les grenades, les crapouillots, les obus éclatant dans la boue tout autour de nous, nous font un accompagnement sinistre, et nous désespérons d'atteindre nos hommes avant le jour. Quand un écriteau retiré par hasard de la boue nous sauve, il portait le nom de la première tranchée française.